Bonjour, c'est Jean Lebrun. L'équipe de la Marche de l'Histoire vous propose en bonus, en contrepoint de l'émission consacrée à Dante, un extrait d'une lecture du début de l'enfer. Nous sommes dans les tout premiers cercles. C'est une réalisation en 1973 de Michel Tréguer, avec Michel Errant, le narrateur, et dans le rôle de Virgile, qui rencontre aux enfers Dante, Alain Cuny soi-même. Quant au commentateur, c'est Dominique Fernandez. Dans le milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais en une forêt obscure. Je me retrouvais en une forêt obscure, car je m'étais égaré hors de la voie droite. Ah, quant à dire ce qu'elle était, ces choses ardues, cette forêt sauvage et âpre et forte, dont le souvenir renouvelle mon effroi. Elle est si amère que la mort l'est peu davantage. Il ne faut pas non plus exagérer en disant qu'il n'y a que des symboles. C'est une vraie forêt et Dante est un vrai homme, enfin qui se trouve au milieu de sa vie, c'est-à-dire à 35 ans. Cette forêt, évidemment, est donc une forêt, c'est un vrai paysage, comme dans toute la Divine Comédie, on voit des paysages, mais c'est aussi le symbole du péché, de l'erreur. Dante découvre à 35 ans qu'il a vécu dans l'erreur et dans le péché. Je ne sais redire au juste comment j'y entrais. Tant j'étais rempli de sommeil dans le moment où j'abandonnais la voie véritable. À l'endroit où se terminait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur d'effroi, je regardais vers le haut. Et, comme celui qui, l'haleine haletante, échappé à la mer, abordant le rivage, se retourne vers l'eau périlleuse. Ainsi, mon âme, qui fuyait encore, se tourna pour regarder la forêt qui ne laissa jamais personne en vie. Et voici, presque au début de la côte montante, une panthère légère et très rapide. Elle ne s'en allait point de devant mon visage. Mais au contraire, elle empêchait si fort mon chemin que plus d'une fois j'eus le désir de revenir sur mes pas quand je vis apparaître un lion. Celui-ci semblait venir à ma rencontre, la tête haute, et avec une rage affamée, si bien que l'air même en paraissait épouvanté. Et une louve, qui de tous les désirs semblait chargée en sa maigreur. Et déjà, à cause d'elle, beaucoup de gens eurent vie misérable. Le trouble que cette louve me donna m'apesantit à ce point que je perdis l'espoir de m'élever plus haut. Pendant que je retombais tristement en ce lieu inférieur, à mes yeux, quelqu'un s'offrit, dont par un long silence, la voix paraissait éteinte. Aie pitié de moi, qui que tu sois, ou ombre, ou homme réel. Homme. Non. Je le fus autrefois, et mes parents étaient Lombards et Mantouans, de patrie l'un et l'autre. Je naquis sub Julio encore que ce fut tard, que je vécus à Rome sous le bon Auguste, au temps des dieux faux et menteurs. Poète, je fus. Mais toi, pourquoi retournes-tu à tant de tristesse? Pourquoi ne gravis-tu pas l'heureuse montagne qui est le principe et la cause de toute joie? Or, es-tu ce Virgile? Et cette source qui répand un si large fleuve d'éloquence? Ô gloire et lumière des autres poètes, qu'il me soit tenu compte de ma longue étude et du grand amour qui m'a fait rechercher ton livre. Tu es mon maître et mon auteur. Tu es celui-là seul de qui je tirais le beau style qui m'a fait honneur. Vois la bête à cause de laquelle j'ai fui. Aide-moi contre elle, illustre sage, car elle fait trembler mes veines et mon cœur. Il te convient de suivre une autre route si tu veux te sauver de ce lieu dangereux. Cette bête qui est la cause de tes larmes ne laisse nul homme passer par son chemin. C'est pourquoi je crois et je juge que le meilleur pour toi est que tu me suives. Et je serai ton guide. Et je te tirerai d'ici, à travers un lieu éternel, où tu entendras des cris désespérés, où tu verras les antiques âmes dolentes gémissant chacune de la seconde mort. Et après, tu verras ceux qui sont heureux dans le feu, parce qu'ils espèrent arriver tôt ou tard à la nation des bienheureux, vers lesquels, si tu veux ensuite monter, une autre âme te mènera plus digne que moi, avec elle je te laisserai après mon départ. Car cet empereur qui règne là-haut, parce que je fus étranger à sa loi, ne veut point que dans sa cité par moi l'on entre. Il domine tous les lieux, mais là-haut il règne. Là-haut est sa ville et son trône supérieur. Oh, bienheureux, celui qui l'y fait élire. Poète, je t'adjure par ce Dieu que tu ne connus point, pour fuir ce mal et un mal pire, de me mener là où tu le disais tout à l'heure, afin que je voie la porte de Saint-Pierre et ceux que tu dépeins si tristes. Viens. Alors il se mit en marche. Et moi, j'allais derrière lui. La panthère symbolise, croit-on, parce qu'on discute là-dessus, mais enfin, la luxure. Le lion, l'orgueil, et la louve, qui est la plus importante, puisque celle qui empêche vraiment de marcher Dante, c'est la cupidité, l'avarice, l'amour des biens, l'amour des richesses. L'emblème de Rome, c'est une louve, et s'il stigmatise la louve dans le premier champ de l'enfer, c'est qu'il en veut à Rome, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la Rome des papes, la Rome corrompue, la Rome simoniaque. Et on peut parler aussi de Virgile, parce que Virgile qui apparaît, qui a l'air énigmatique, pourquoi Virgile? Pourquoi est-ce que c'est Virgile qui va aider Dante à faire ce voyage dans l'autre monde? Virgile qui est un poète païen, alors que Dante est un poète chrétien. La Virgile, c'est d'abord le poète qu'a aimé Dante, son modèle littéraire. Donc c'est quelqu'un de proche pour lui. Mais c'est aussi celui qui a porté à son plus haut point l'exercice de la raison, de la sagesse humaine. C'est le symbole de ce qu'on peut atteindre par les voies de la sagesse, de la raison. Et un troisième plan symbolique, c'est que Virgile, c'était le poète d'Auguste, Auguste, le premier grand empereur, justement romain, et c'est sous Auguste que le Christ est né, d'ailleurs. Et Virgile, donc, symbolise ici l'institution impériale, la concorde universelle telle que Dante l'a souhaitée. À son époque, il était très troublé et très divisé par des luttes politiques italiennes et extra-italiennes.